Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Comment conserver son abondance ». Peut-être résumer un petit peu avant de commencer pour savoir comment le conserver. La conférence de la semaine dernière, juste ressortir les points importants, ce qui était comment acquérir l'abondance. Parce que avant de la conserver, il faut d'abord l'acquérir, à moins qu'elle nous tombe du ciel. Ça peut arriver, ça? Rarement du ciel. Le ciel s'est changé en vie. J'ai tendance à faire l'inverse. Il enlève. Donc, je vais juste répéter les points que tu avais mentionnés la semaine passée. Pour acquérir l'abondance, il fallait ne pas travailler à outrance. Je ne suis pas prêt d'être riche. Le test supramental, faire des vérifications expérientielles, se détacher du résultat, ne pas s'en vanter ni le cacher. Si on était riche, il fallait ni le cacher ni s'en vanter. Intelligencer sa vie, réincarner des mémoires, des ondes de forme d'abondance et être transparent. C'était les points principaux. Là, maintenant, il faut savoir comment la conserver, si on l'a acquis. OK, une question d'ici. Maintenant, comparativement à la semaine dernière, est-ce que tu as réussi à avoir l'abondance? Pas totalement, mais j'ai appliqué quelques-unes de ces lois-là, puis effectivement, j'ai eu du résultat. Pas financier, matériel, tout de suite, c'est mais ça. J'ai eu du résultat concret. Mais ce qu'on doit faire, bien attention, quand on parle d'abondance, je reviens encore une fois que l'abondance, c'est avoir de l'argent et avoir du temps. Donc, avoir une liberté matérielle et avoir le temps de s'en servir. Alors, ce n'est pas une question unique de finance, c'est une question de liberté dans la matière et dans le temps. Ça, c'est l'abondance au niveau de la vie. Maintenant, ce qui arrive aussi, c'est que la personne qui, à un moment donné, fait une vérification supplémentaire, donc une vérification expérientielle, c'est-à-dire qu'elle va mettre des limites dans une activité dans laquelle elle veut se lancer, et si ses limites, ses frontières, les barrières qu'elle a mis ne sont pas atteintes, elle n'y va plus. Alors, un exemple, tu veux acheter une maison et puis tu dis à un bonhomme, « Bon, bien, je vais prendre un rendez-vous pour la visiter dans 2 semaines. » Lui va te dire, « Oui, mais dans 2 semaines, je risque de l'avoir vendue. » C'est ça. T'en vendras. Dans 2 semaines, telle journée, je prends un rendez-vous. Évidemment, une chose intéressante, c'est de vérifier avant d'y aller s'il l'a vendue. Donc, 2 semaines après, sur téléphone. Si la maison est toujours libre, c'est déjà un bon signe. Sauf que, normalement, l'humain va énormément travailler pour avoir des choses, et une grande partie de sa vie est perdue en travail inutile. Donc, une personne qui, à un moment donné, va appliquer le phénomène du test supramental, on parle évidemment uniquement de ceux qui se conscientisent, donc des conscientisables, que ce soit ici ou qui se conscientisent ailleurs, ça n'a rien à voir, mais celui ou celle qui, à un moment donné, est capable d'accepter des choses neuves et qui pose des questions neuves, plus uniquement les questions traditionnelles. Il est conscientisable. La personne qui se conscientise n'est plus assujettie aux lois de l'abondance du règne du poisson, c'est-à-dire qu'elle n'est plus assujettie, comme on l'a vu la semaine dernière, à la mécanique qui permettait à certaines personnes d'arriver à une forme d'abondance. Quoique dans l'ère du poisson, la majorité des gens ont eu de l'argent, alors que d'autres avaient le temps, et ceux qui avaient le temps n'avaient pas d'argent. Comme on l'a vu encore à l'échelle de la planète, les pays riches, non, les humains n'ont pas le temps, les pays pauvres, ils ont le temps, mais ils n'ont pas d'argent. Et j'ai expliqué un peu pourquoi ça avait été séparé à un moment donné à l'échelle de la planète, pour faire en sorte que des humains deviennent les gardiens du temps, d'autres les gardiens de l'argent, en attendant qu'à un moment donné soient remis à des êtres qui seraient capables, par l'intelligence, de transformer la matière, de transformer en même temps les conditions évolutives de l'homme, de la femme et de l'enfant, d'une façon qui serait plus écologique. L'important, c'est de comprendre qu'une personne va dire, « Bon, bien, je vais appliquer une des lois, qui est celle de la vérification expérientielle, puis je vais dire à une personne, « Bon, la maison, je l'adore, je la veux absolument. » On a dit ne pas s'attacher au résultat. Sinon, tu as commencé à travailler. On a dit ne pas travailler à outrance. Et sinon, tu as commencé à colorer toute la vision de la chose, puis si tu n'as pas passé par là, tu ne passeras pas non plus, mais tu auras travaillé, perdu du temps, perdu de l'énergie, perdu de l'argent, peut-être même souffert psychologiquement, émotivement. La personne, elle dit au propriétaire, « Dans 2 semaines, je vais rappeler, puis si vous l'avez vendue, vous la vendrez. » Mais la personne, elle veut la maison. 2 semaines après, elle appelle et la maison est vendue. Alors, il va dire, « Bien, ça ne marche pas. » Ce que j'ai bien expliqué, et c'est important aussi dans le phénomène de conserver son abondance, c'est que nous ne pouvons pas projeter des mécaniques. Dans le système du poisson, il y avait la projection. Tu projetais des choses, sauf que celui qui projetait dans ce qui devait lui arriver, il gagnait. Il avait raison. Tandis que les autres, ben, ils projetaient mal, ils projetaient croche, ils projetaient, etc. Bon, en réalité, c'est qu'ils projetaient des choses qu'ils n'avaient pas à vivre. Lorsque nous parlons d'abondance, nous parlons surtout de parvenir à trouver son trou. Qu'est-ce que c'est, trouver son trou? Ben, c'est de tomber dans l'endroit... Comme ça peut passer une tombe, moi, trouver un trou. Ouais, c'est une vision assez humaine de la chose, mais tu devrais faire du judo un peu. Tu vas voir que tomber, souvent, c'est même très intéressant. Surtout dans le mouvement qu'on appelle sacrifice, le soutémi. Tu tombes, puis tu plantes l'autre. N'empêche, lorsque... on trouve son trou, c'est exactement comme si on était une pièce particulière avec une forme particulière, puis toute notre vie, on est manipulé à essayer, parce qu'on croit qu'on a les barbites totales, à essayer de pénétrer des trous qui ne sont pas en conformité avec ce que nous sommes, nous. Donc, on doit s'adapter, se malléabiliser, on doit se conformer à certaines formes de trous, des promesses de con, on doit faire des compromis avec la vie, et puis à un moment donné, peut-être ça rentre. Puis là, on souffre tout le temps qu'on est là-dedans, on n'est pas heureux ou heureuse tout le temps qu'on est là-dedans. Puis à un moment donné, ben on change, on accumule de l'énergie. Souvent, c'est de la mémoire. Puis à un moment donné, quand on rentre en contact avec un phénomène neuf, le phénomène supramental, on accumule de l'énergie par le haut. Et ça ne va plus, puis là, on éclate, on sort du trou. Et après ça, ben là, on est désarçonné, déséquilibré, on ne sait pas trop où aller. C'est le lot même de celui qui se conscientise ou de celle qui se conscientise. Quand je dis trouver son trou, c'est qu'il y a quelque part, pas sur la Terre, il y a quelque part dans l'événement, un endroit parfait où toi, tu vas combler totalement le manque de cet événement. Tu fais partie d'une structure événementielle, tu fais partie, certains diraient d'une destinée, ce n'est pas une destinée parce qu'il n'y a pas de destination, mais il y a un objectif, un but, une fonction, mais pas de destination, et tu fais partie d'une mécanique événementielle qui est spatio-temporelle, donc qui est reliée à la matière, qui est reliée à l'évolution du temps sur la matière. Et cela veut dire que si un être humain finit par... Parce que la semaine dernière, toi-même, tu disais que tu ne savais pas où tu allais. Si tu ne sais pas où tu vas, comment peux-tu prétendre que c'est la maison que tu as besoin ou que c'est l'emploi que tu as besoin, ou etc., etc. Comme je dis de temps en temps, si l'homme, la femme, l'enfant ne sait pas où il va, une des choses qu'il peut faire, c'est intelligencer sa vie. C'est un des phénomènes aussi. Alors, au lieu de regarder là où on veut aller, alors qu'on ne sait pas du tout si on est équipé pour y aller ou si nécessairement la vie veut de nous dans cette région-là, on tourne de bord, on regarde en arrière, puis tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui nous empêche d'être libre, parce que s'il n'y a pas de libre arbitre dans la matière, il y a une liberté dans la conscience, mais pour cela, il faut que l'humain se désassujettisse un peu des manipulations qui proviennent de sa mémoire. Tu te tournes de bord, puis tu te dis, je suis colérique, je trouve ça niaiseux. Tu es intelligent sur ta vie, ce n'est pas intelligent d'être colérique. À un moment donné, tu as travaillé sans culpabilité, parce que sinon, tu deviens coupable d'être coupable, on n'en sort plus. Tu commences à éliminer des choses qui ne te plaisent pas. Automatiquement, si tu t'en allais par là-bas, en coupant une corde, nécessairement, tu vas bifurquer. En coupant une autre corde, tu bifurques encore. Et progressivement, tu vas arriver dans une région qui est effectivement ton trou. Donc, tu ne regardes pas où tu vas, mais tu regardes où tu ne veux plus aller. Tu regardes d'où tu viens. Ce que l'humain a, c'est qu'il prend sa mémoire. Et la mémoire, elle a une faculté, c'est qu'elle peut expliquer le passé. Alors que l'humain, traditionnellement, essaie de comprendre le neuf en fonction de sa mémoire. Il essaie de prévoir l'avenir en fonction de sa mémoire. Il essaie de comprendre des mécaniques nouvelles en fonction de sa mémoire. Et une mémoire ne peut servir à ça. Par l'intellectuance, l'humain peut parvenir à certaines choses lorsque l'humain persiste dans un contact avec l'inframental, sauf que lorsque l'être humain a un contact avec une conscience neuve, ce qu'on appelle aussi au niveau du Québec le phénomène supramental, lorsque l'humain a quelque chose de neuf, il ne peut pas juxtaposer sa mémoire avec quelque chose de neuf. Pourquoi? Parce que tout ce qui est neuf, il le refuse parce que ce n'est pas en conformité avec sa mémoire, donc avec ses attentes. De ce fait, l'être humain est toujours en train de travailler, et c'est pourquoi, bon, traditionnellement, on dit que l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Ça fait longtemps que je mange plus de pain, régler le problème. Sauf que ce n'est pas nécessaire de persévérer continuellement dans une forme d'ignorance à essayer de déterminer ce que l'on veut et de déterminer ce que l'on doit avoir. La vie devient un problème majeur, puis tu dois survivre dans la vie. Trouver son trou, ça veut dire, à un moment donné, bon, je vérifie pour la maison, puis la maison, elle est vendue. Ça facilite tellement de choses. Mais l'homme, la femme qui n'est pas encore au fait de sa propre conscience, qui n'est pas centrée totalement dans son intelligence, ce qui va lui arriver, c'est qu'à un moment donné, elle va dire « Oui, mais je la voulais à la maison. » Ça, c'est une projection. Puis on a vu que dans le système du poisson, ça fonctionnait, mais dans le phénomène aquarien, du moins ceux qui se conscientisent, la projection va engendrer l'inverse de ce que l'on demande, ou de ce que l'ego veut avoir. La personne, ce qu'elle a, c'est qu'elle aurait peut-être acheté sa maison, elle ne serait pas parvenue à la payer, elle aurait eu des problèmes avec la maison, le solage, les lots, etc. Ou encore, elle aurait tout fait pour convaincre le bonhomme de la lui vendre. Une chose est certaine, c'est qu'elle aurait travaillé inutilement pour perdre ou avoir une chose qu'elle perdra de toute façon. Et il faut faire attention, on a vu aussi la semaine dernière, que la structure actuelle qui permet la gestion de la matière et du temps dans le règne de l'humain était une structure qui faisait en sorte que lorsque tu avais de l'argent, si tu voulais avoir du temps, tu devais transformer de ton argent en temps. Alors, on a vu que si tu engages une personne pour faire le ménage chez toi, ça te donne du temps, mais tu donnes de l'argent. Tu transmutes ton argent en temps. La journée que tu décides d'aller travailler, tu transmutes ton temps en argent. Et on n'arrive pas à une abondance réelle pour la simple raison qu'on n'a pas compris la mécanique même de ce que c'était la gestion de la matière, bref, de l'abondance. Lorsque la personne travaille inutilement, elle pourra peut-être avoir sa maison, mais elle a perdu tout son temps, elle n'est pas dans l'abondance. La personne peut dire « j'ai deux Rolls-Royce, j'ai quatre maisons, j'ai un château en Espagne, etc. » Et qu'est-ce que tu fais? C'est comme me disait une femme à un moment donné, c'est qui va faire le ménage? La personne perd son temps pour pouvoir vivre, entretenir, supporter, etc. Ou bien elle devra engager des gens, donc elle transmute encore son argent, son argent en temps pour récupérer du temps, mais elle perd de l'argent. On n'en est pas au niveau de l'abondance, l'abondance de celui, de l'abondance intelligente. Mais pour trouver l'équilibre dans tout ça, parce que celui qui a beaucoup d'argent a les moyens de se payer une bonne, un château en Espagne. Ils le font pas souvent. Parce qu'il y a des lois qu'on va voir, on en a parlé un petit peu au début, il y a des structures que celui qui a l'abondance doit appliquer s'il veut la conserver. Parce que prenons un bonhomme qui a fait des films intéressants, à un moment donné, il a payé un cadeau de fête à sa fille et il a loué une île, c'était 250 000 $ américains par semaine. Il y avait un château sur l'île, il est resté là 3 semaines, son cadeau d'anniversaire quand même, 750 000 américains, c'est raisonnable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est continuellement à la recherche d'argent parce qu'il a goûté égoïquement, donc astralement, à une saveur de sécurité d'abondance. Et maintenant, il a besoin continuellement d'aller chercher la même chose. Celui qui vit 5 000 $ dans son compte en banque, il va possiblement vivre la même condition humaine, je ne dis pas qu'il fera les mêmes travaux, etc., la même condition humaine que celui qui vit 100 millions. Alors, ce n'est pas de l'abondance, parce qu'à un moment donné, l'humain va mourir, puis l'humain ne sera même pas aperçu qu'il a vécu. Pour lui, il n'est pas riche. Non, il se paye un cadeau d'anniversaire qu'il plaît à sa fille, mais sa fille, elle n'aurait pas aimé un cadeau à 100 000. Donc, finalement, il doit débourser 750 000 $. Mais toi, tes enfants, ils vont aimer un cadeau à 150 $. Bon, ici, une question de nuance. Alors, lui, pour avoir le même résultat sur sa fille que toi sur ton garçon, il devra débourser 750 000 $. Ça veut dire qu'on pourrait parvenir à l'abondance et puis la conserver, cette abondance-là, avec beaucoup moins d'argent, si on comprend mieux la mécanique. L'abondance, c'est pas une question d'argent. Avez-vous le temps de faire de votre vie quelque chose d'utile? Avez-vous la liberté matérielle pour pouvoir maintenant se servir du temps? Quand tu as à voyager, tu trouves un billet à terre pour voyager, il va exactement où tu voulais aller pour le nombre de temps que tu voulais, c'est de l'abondance. Tandis qu'il y en a un autre, il y a beaucoup d'argent, mais la première fois que j'étais au Guatemala, il y a un bonhomme très riche qui me disait, « Moi, j'en reviens pas, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'aller dans des pays des sous-développés ou en voie de sous-développement, dans la jungle, dans des places comme ça, puis finalement, je suis riche, puis jamais été. » C'est ça. Moi, j'étais pauvre, puis j'y allais. Il y avait une nuance, c'est que moi, j'avais l'abondance. Lui, il était pauvre. Bien plus pauvre que moi, mais socialement, il était plus riche. Sauf que moi, j'avais travaillé un été de temps, j'étais étudiant à l'époque. J'étudiais pas grand-chose, mais j'avais le statut d'étudiant. Et puis, j'avais travaillé tout l'été, et j'avais juste la finance qu'il fallait pour partir un mois au Guatemala. Et je suis parti. Quand je suis revenu, une semaine après, j'avais un autre emploi. Mais lui, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, il est devenu un homme d'affaires, parce que lui, il avait des employés, parce que lui, il avait des responsabilités, parce que lui, il avait une femme, parce que lui, il avait des enfants, et surtout parce que lui, il avait des inhibitions, parce que lui, il avait des peurs, parce que lui, il avait des stéréotypes de celui qui travaille puis qui est convenable dans une société, patati patata, ce qui fait que n'importe quand, il aurait pu le faire. Mais je l'ai revu là, peut-être un an ou deux, mais il ne l'avait pas fait. Puis il ne le fera jamais non plus. Il y a un avantage. Moi, je ne peux plus rêver d'y aller. J'y étais. Il peut continuer à rêver qu'il va y aller, ça le nourrit. Okay? Alors, trouver son trou, ça ne veut pas dire, bon, je décide que je veux ceci, cela ou cela, alors j'applique certains phénomènes qui font partie de celui qui se conscientise, de celle qui se conscientise, parce qu'une personne qui, se conscientisant, agit comme avant, perd tout et se ramasse sur une corde raide. On en a suffisamment parlé de la corde raide, et il y a en masse de gens qui sont sans conscientisation, qui sont sur une corde raide depuis longtemps. Ils étaient riches, maintenant ils sont pas pauvres. Ah, ils ont peut-être des dettes, ils n'ont peut-être pas de dettes, mais ça va juste assez pour les maintenir. Il y en a d'autres qui étaient déjà pauvres, bah, ils sont encore de rette pareil. Très rare, puis souvent, quand on me dit, bien, j'en connais un, moi, qui se conscientise, puis très, très riche, qui n'est pas assez conscientisé. Ça va venir. Ça va venir. Sauf que plus il y en a qui passent par cette mécanique, moins il y en a qui vont passer par cette mécanique. Autrement dit, à cause de lui qui s'est conscientisé, sa corde de raide pendant plusieurs années, il y en a plusieurs parmi vous qui n'auront pas besoin de faire ça. Bon, moi, je n'ai pas passé par ça, mais c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas tout avoir. Par contre, il y en a d'autres personnes avec qui ont souffert énormément, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur famille, qui sont ramassés dans des situations extrêmement pénibles de la vie, et ils ont vécu sur une corde de raide temporaire qui s'échelonne, c'est quand même assez court, ça dure d'un an à 10-15 ans. Et puis, à un moment donné, ben, s'ils commencent à s'anégoïser, fonte de l'ego, ce qui engendre le double éthérique, s'ils commencent à vivre un peu plus animativement du point de vue de leur vision des choses, l'émotion, ça sert à créer des relations astrales, mais des relations qui sont inférieures au mental dans le règne de l'homme. L'émotivité est absolument essentielle pour souder plusieurs formes de relations, mais elle ne doit pas venir s'immiscer dans la gestion de la vie. Et c'est pourquoi, encore une fois, la personne qui dit « Bon, ben moi, je la voulais à la maison, j'ai appliqué ce que Daniel Kemp a dit, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. » Eh oui, ça a fonctionné. Peut-être que ça vous a sauvé des milliers de dollars. Ça a fonctionné parce qu'ils l'ont pas eu. Eh oui. Et c'est pourquoi on doit faire donc très attention. C'est qu'il n'y a pas de... Bon, premièrement, l'humain n'est pas manipulé. L'humain est totalement manipulé. L'humain n'a pas de libre-arbitre. Sauf que la majorité des êtres humains ont été investis dès le départ, l'éducation va soutenir cela, de l'idée qu'ils ont un libre-arbitre total. Cela veut dire que quand vous achetez un billet de loterie, vous l'achetez pour perdre. Et là, ça confirme que vous avez un libre-arbitre. Parce que vous perdez. Bon. Quand vous avez une maladie, c'est parce que vous la vouliez. Et ça va sous-tendre, à un moment donné, des psychologues ou certains ésotéristes qui vont dire, « Oui, mais si tu es comme tu es aujourd'hui, là, c'est parce qu'inconsciemment, tu le voulais. » Tu sais, on reste attaché à ce maudit libre-arbitre qui engendre la culpabilité parce que tu réussis pas tout. Tu souffres d'être coupable parce que j'ai manqué mon coup, etc., etc. Et brièvement, quand une personne, je l'ai dit souvent, je répète très vite, quand une personne, à un moment donné, se fait accrocher par un thérapeute, vous voulez voir de qui? Bon, est-ce que tu trouves ça intelligent de fumer? Non. Fumes-tu? Oui. Pourquoi? Puis là, l'humain est totalement barré parce que l'humain reste convaincu que c'est lui qui a les barbites. Fait que ou ben non, je suis niaiseux, ou ben non, t'es manipulé. C'est bien simple, vous êtes deux dans un corps. Un virus qui est l'ego et une conscience qui essaie de prendre le contrôle du corps. Elle dit non, c'est pas intelligent de fumer. L'autre, il dit, pousse-toi là, j'ai le goût d'une cigarette. C'est simple. Lorsque l'humain essaie d'appliquer des mécaniques qui vont l'amener à avoir de l'abondance, l'abondance doit servir à quelque chose. Quand on parle d'abondance, le terme est publicitaire. Hein? Bon. Quand on parle d'abondance, on parle, encore une fois, d'une liberté temporelle et matérielle. Tu n'as pas d'argent, mais tu n'as pas besoin. La journée que tu n'as besoin, elle rentre. Mais ça, encore une fois, ça doit être supporté par une anégoïsation pertinente, c'est-à-dire que l'individu doit être suffisamment capable de conserver la capacité de rester sur la corde raide sans jamais avoir peur de tomber en bas. Bref, s'il vit cela, il n'est plus sur la corde raide. Mais il n'a pas bougé. Parce que la corde raide est une illusion? Total. Quand quelqu'un me dit « Oui, mais c'est risqué. C'est jamais risqué. Ça passe ou ça casse. C'est jamais risqué. » Bon, c'est simple. C'est ça. Fait que oui, mais c'est risqué. C'est pas risqué. Mais là, t'as pris un risque. J'ai pas pris de risque, il s'est rien passé. C'était pas un risque. Mais pour l'humain, oui, parce que tu aurais pu... Non, il y a pas de risque. Alors, quand tu investis à la bourse, tu manques ton coup, t'as pas investi dans des trucs risqués. T'as investi dans des affaires qui étaient plus lâchées. Pas pareil. C'est pas risqué. Mais l'humain conserve l'illusion du risque. On parle encore de la corde raide. Oui, mais ça devient stressant. Pourquoi? Parce que t'as peur de tomber. Mais tu tomberas pas. Mais ça, tu le sais pas. Pourquoi? Parce que ton ego le sait pas. Mais si t'arrêtes d'avoir peur de tomber, est-ce que la corde disparaît puis tu retrouves un plancher? Ça dépend. Si t'arrêtes d'avoir peur de tomber parce que tu positivises les choses, faut t'aider. Non, une si t'arrêtes de... réellement d'avoir peur. Ah, ben, si. Et puis, il n'y a jamais eu de corde raide, donc, ça s'en va pas. Et là, tu vas nécessairement commencer, non pas à attirer l'abondance, mais à te diriger vers ton trou. Puis là, c'est parfait pour toi. Parce que la journée, là, qu'il y a de l'intelligence à ce que tu prennes un avion pour aller quelque part, il n'y aura pas de problème. Tout est prévu pour. C'est prévu, mais ça ne l'est pas, mais tout va être correctement organisé pour. Alors que si tu fais des vérifications égoïques, astrales, c'est-à-dire que ben, tu vas voir une maison, là, puis ah, t'aimes ça, ah, t'aimes ça, c'est elle, c'est elle. C'est ça. T'aimes travailler, Puis l'abondance, tu ne l'auras jamais. Je veux dire que pour conserver l'abondance, il faut être capable de conserver le temps et l'argent. Il ne faut pas tomber dans le piège de travailler plus pour s'acquérir des biens matériels puis être obligé de payer pour. Moi, ça, on n'a rien à foutre des biens matériels. C'est même pas des biens matériels, c'est de la matière. Sauf que l'être humain qui est intelligent est capable de se servir de la matière pour aller chercher plus d'intelligence. Puis à quoi ça sert d'aller chercher plus d'intelligence? Ça sert à faire à un moment donné que tu vas être dégrisé de l'astral. C'est-à-dire que tu vas être dessoulé de la mémoire. Puis comme tu essaies toujours d'expliquer ta présence sur la Terre, ta présence dans le cosmos, ta présence dans la création à partir de ta mémoire, bien c'est comme l'alcoolique qui essaie de voir le monde lucidement à partir de sa boisson. Il ne peut pas. Bon, tout ce que ça va faire, le fait de te libérer matériellement et temporellement, c'est que ça va te donner l'opportunité de te servir de ta vie. Tu n'as pas de libre-arbitre total, tu es manipulé, sauf que on ne peut manipuler un être au-delà de sa capacité d'être manipulé. En venant de conférence, par exemple, comme ce soir, il y a énormément d'informations qui vont être mémorisées, et cela va faire en sorte que l'individu qui était manipulé avant va être manipulé d'une façon nouvelle. Et cette façon nouvelle, parce qu'on peut manipuler le manipulateur, cette façon nouvelle peut l'amener, à un moment donné, à être manipulé pour se trouver, se diriger vers son trou. Et dans son trou, elle aura une lucidité de conscience. Elle n'aura pas de libre-arbitre sur la Terre, pour la simple raison que chaque corps impose son espace-temps aux autres. Il n'y a pas de libre-arbitre sur le plan planétaire. Sauf qu'elle aura une liberté totale de conscience, donc elle ne vivra plus la souffrance, l'ennui, l'inquiétude, l'espoir, le désir. Et en plus, elle aura une conscience qui ne sera pas uniquement planétaire, comme le mental l'autorise, mais une conscience qui sera minimum galactique, donc une conscience à mémoire supramentale. Sauf que l'individu qui, grisé, pose la question « À quoi ça me sert de suivre une cure? » Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas comprendre ma réponse. Fait quand tu seras suffisamment écœuré, d'être pogné comme que t'es, tu te diras, ben, ou bien je suis une cure, ou bien je continue à oublier, à boire pour oublier. Puis comme ils ont bien de la mémoire, ils boivent longtemps. L'individu doit, à un moment donné, s'il est suffisamment écœuré d'être écœuré, il va commencer à suivre une cure. La conscientisation, c'est la même chose. Souvent, quasiment tout le temps, l'individu s'en rend pas compte. Ça fait 15 ans qu'il se conscientise, puis subitement, il est conscient qu'il se conscientise. Il n'y a pas décidé. Pour aller chercher l'abondance, nécessairement, on parle de l'être humain qui se conscientise. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui s'appelait, on l'appelle bien des noms, mais le Nazaréen, c'est le même qui se faisait appeler. Il avait sorti un truc intéressant. Il avait dit aux gens, placez vos trésors dans le ciel, là où personne ou aucun voleur peut aller ramasser, puis où la roue, il n'y a pas d'effet. Le ciel, c'est l'égrégore planétaire de la conscience évolutive et involutive de l'humain. C'est la même chose. C'est que présentement, il y a énormément de choses qui appartiennent à chaque être humain, mais qui sont gardées par d'autres. C'est pourquoi on a un déséquilibre total à l'échelle planétaire. Par qui ils sont gardés? Par des individus qui n'ont pas de conscience, des individus qui gardent l'argent ou d'autres qui gardent le temps. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui a mon argent temporairement, là, qui conserve? Ah oui. Je veux savoir ton nom, ton adresse. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi quelqu'un conserverait ce qui m'appartient? Parce que t'es pas assez intelligent pour la conserver. Mais t'es trop intelligent pour la conserver en même temps. Lui, il n'y a pas de danger s'il la conserve, parce que lui, tout ce qu'il rêve, c'est d'en avoir plus. Fait que c'est un gardien d'argent. OK? Bon. Toi, si on te la donne, immédiatement, il y a des visions utopiques de certaines choses que tu aimerais qui s'appliquent. Et ce n'est pas le temps. Mais étant donné que tu as des prémices réincarnation de l'avenir, le temps, c'est une illusion, fait qu'on peut se réincarner autant dans l'avenir que dans le passé, parce que tu as des prémices, des préciences, tu as connaissance de certains futurs possibles que tu attires vers toi, ton ego finit par s'en colorer, en bave, aimerait ça que ça soit là tout de suite, puis si tu aurais $1 million, ben il y a bien du monde qui se ferait casser la gueule par ta faute, puis il y a bien de l'argent qui serait perdu inutilement. Alors, on fait un test. À un moment donné, j'avais, depuis 12 ans, j'ai studié cette idée-là. Projet OFSA. Bon, l'organisation du village scientifique de l'avenir. Pas rien que dans la matière, mais au niveau du reste. Puis à un moment donné, tu fais juste un petit test comme ça, puis ça foire. C'est pas le temps. Bien simple. Puis les individus, eux autres, qui se disent, on fera pas le test, on va le faire. C'est ça. Ça foire pareil, mais eux autres, ils sont frustrés, ils sont déçus, puis etc. Bon, c'est simple. Si les deux se conscientisent, celui qui garde l'argent en attendant, là, c'est plus ton gardien. Oui, mais s'il se conscientise, lui-ci, puis qu'il réussit à conserver la matière, qu'est-ce qui arrive? Celui qui veut l'acquérir sera pas capable. Celui qui veut la garder va être capable. C'est plus ton gardien. S'il se conscientise, premièrement, il va se rapprocher de la corde raide. Ouais, ça, c'est vrai. Hein? Tu sais, t'en as eu de l'argent, toi, hein? Bon, mais jadis. C'était à moi. Mais tu l'as plus. Puis moi, j'en ai. Oh, ça a passé par ben des méandres sociales, mais n'empêche. Ouais. Bon. Ah, t'étais le gardien, puis t'es conscientisé. C'est ça. Il n'y a aucun problème, là. Mais il y a autre chose. Mais est-ce que tout le monde qui se conscientise va s'appauvrir? Non. Pas faire peur à ceux qui en ont encore. Finalement. Non. Dans les premiers qui sont passés vers une conscience nouvelle, ben, c'était des MTS, des martyrs de la transition supramentale. Bon. Ces personnages, il y en a quelques milliers au Québec, parce qu'il en, il en fallait une dose nécessaire. Ceux-là ont constitué le char d'assaut qui a permis d'ouvrir le canal. Nécessairement, c'est les soldats qui marchent en arrière du char d'assaut. Ben, les caves qui veulent absolument jouer au char d'assaut à côté puis en avant, ça, c'est autre chose. Ils ont trop d'égo, ils vont payer pour. Mais ceux qui sont en arrière et qui se disent « Bon, moi ou un autre, t'sais, premier ou dernier, ils n'ont rien à foutre. » Tu la vague, c'est ton temps. Il y en a donc un grand nombre de gens qui passent après, qui eux auront, bon, il va y avoir encore des roches, des petites choses qui vont être là, ils vont les aplanir avec leurs bottes. Puis plus ça va aller, plus ça va être facile. Sauf que, à un moment donné, il y a des individus, ça fait partie de l'évolution supramentale, puis on a déjà expliqué, puis on pourrait revenir, de toute façon, le mois de février, il y aura beaucoup de cette mécanique qu'on va parler. Il y a des individus qui, eux autres, ont comme fonction de se coucher sur les barbelés, fait passer les autres. Ça, c'est ceux qui croient à ça. Les premiers arrivés seront les derniers à passer. Là. C'est ceux qui croient à ça. Ils arrivent en premier, là, il y a des barbelés. Bien là, ils s'écrasent dessus, puis les autres passent dessus. Puis quand tout le monde est passé, bien... On peut changer de fonction? Quand... Ben oui. Mais l'ego ne peut pas changer de fonction. Donc, il faut que tu autorises ta conscience à venir dedans. Quand on parle de la mécanique d'abondance ici, l'individu qui applique juste ces phénomènes-là, puis quand on dit appliquer des lois, c'est pas des lois. Une loi, c'est de l'incohérence humaine. Tout ce qu'on comprend pas, là, on pense que c'est une loi, ce qui va entre ça. Quand on a parlé de 8 lois pour amener l'abondance, en réalité, ces lois-là s'appliquent à n'importe quel schéma d'évolution. L'idée, c'est que si tu évolues par de l'intelligence, c'est intelligent d'être libre matériellement, c'est intelligent d'avoir du temps. Bien simple. Donc, tu te sers de ton abondance comme baromètre de conscientisation. Plus ça fonctionne bien, plus tu es dans le bon chemin. Très simple. Quand tu commences à lutter, à travailler, à avoir des problèmes, puis à avoir des choses pénibles, tu n'es plus dans le bon chemin. Mais là, il faut donc que tu vérifies des choses pour finalement avoir un baromètre astral, égoïque, qui va pouvoir te confirmer que ça commence à fonctionner. C'est comme l'individu qui prie Dieu. Ben oui, mais est-ce que c'est le bon Dieu que je prie? Bon, je demande du beau temps, il pleut, je demande de la pluie, il fait beau. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais n'importe quelle personne, à un moment donné, tu dis, bon, ben Dieu, prouve-moi que tu existes, ça fasse apparaître dans la salle. C'est une bonne chose. Bon. Après ça, ben, transforme-donc ce verre-là en or. C'est fait, c'est en or. Ah, ben, d'or et déjà, ça va bien. Et puis après ça, ben là, c'est difficile, il y a bien des théories qui vont sauter. C'est sûr que l'humain qui se conscientise... Si l'humain qui se conscientise réellement n'aura pas besoin d'un dieu pour transformer son verre en or. Il n'aura pas besoin d'or ou il y aura de l'or. Sauf que quand on parle d'abondance, encore une fois, on revient à la même mécanique. Ce qui est intéressant, c'est que vous ayez une vie facile, parce que celui qui se conscientise jusqu'à date a toujours eu une vie pénible. C'est typique de l'homme ancien, c'est typique de celui qui vit de l'évolution méritoire. Il veut mériter d'avancer. Alors, quand la vie est facile, tout va bien, c'est sans coupable. Parce qu'il n'est pas sûr que c'est correct. Il me semble que, pas me dit comme toi, il me semble que, etc. Mes enfants sont beaux, superbes, ils réussissent tout, tout va bien. J'achète un billet de loterie juste pour pouvoir triper quand je vais perdre, je gagne. Tu sais, tout va mal. Mais cet individu-là, il souffre s'il n'est pas conscientisé. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression, c'est comme celui qui, quand un avion s'écrase, tu as un survivant, ben, il faut qu'elle suive des cures de thérapie, elle se sent coupable d'être la survivante, la personne. Ça, c'est un phénomène très réel. Oui. Alors, ben, oui, c'est tout ce que je te compte. Sauf que ce qui va arriver... Oui. Sauf ce qui va arriver, c'est que l'individu qui ne se conscientise pas suffisamment veut mériter son ciel. Tu sais, veut mériter ses cieux, veut mériter ce qu'il a. Et c'est pourquoi l'individu se met à travailler. Alors, moi, ce que j'explique, c'est qu'on doit parvenir à... Oh, ça prend le temps que ça prend, mais c'est pas difficile. Si ça vous prend 2 ans ou 3 ans avant d'avoir l'abondance, ça peut vous prendre aussi 6 mois ou 2 mois. C'est pas difficile, parce que plus on applique ces choses-là, plus ça devient facile. Parce qu'à un moment donné, comme j'explique à certaines personnes, tu as 100 000 en banque, et puis là, ce que tu fais, ça ne va pas depuis 2 ans. C'est change de cap. La personne, elle se dit, je peux pas. Parfait, un jour, tu pourras, mais tu seras juste plus pauvre. Bon, quand elle a plus d'argent, elle est à zéro. Là, je lui dis, abandonne. Je peux pas. Faites plein de promesses à des gens, puis j'ai emprunté de l'argent, puis je peux pas tout te sacrer ça là. Correct. Quand elle doit 300 000, là, j'ai dit, lâche. Je peux plus. Là, ça a pu. quand t'as fait deux infarctus du myocarde un après l'autre qui est à l'hôpital, là, je vais l'avoir, je dis, bon, t'as enfin compris, t'as lâché. Là, elle a lâché. Elle a plus la santé, elle a plus d'amis, elle a plus d'argent, elle peut plus continuer à tenir. Là, elle a lâché. Là, j'ai dit, bon, maintenant, t'es rendu au point où tu as commencé à évoluer. Si tu meurs pas, justement, t'es à l'hôpital, deux infarctus un par-dessus l'autre. Mais maintenant, tu as compris, tu as lâché. Mais, te rends-tu compte que si t'aurais lâché, v'là un an quand t'avais 100 000, t'aurais lâché pareil, c'était pas plus possible que maintenant, puis t'aurais 100 000 en banque à la place. Bien, est-ce que c'est le pourcentage, le degré de difficulté qui devrait nous dire de lâcher? C'est toi qui... Parce que, est-ce que tout doit être réellement facile ou à un moment donné, il faut quand même... Non, il faut quand même, hein, ça c'est... Question niaiseuse, ouais, c'est pas vrai. Vous voyez ce que c'est? Est-ce que tout doit être réellement facile? On veut mériter, on veut souffrir un peu. Moi, on dit que c'est plaisant quand on souffre, hein? Facile, facile, facile. Y a-t-il quelque chose de facile? Ben oui! Lâcher, c'est facile. Ben c'est pas nécessairement l'égo, facile. Non, à cause de l'ego, ta mémoire, tout ton handicap mémoriel, c'est lui qui s'attache. Pas juste l'ego, le gérant de banque. Non, c'est que l'ego. Non, mais l'épicerie, tu vois, tu peux pas dire, t'essayes de faire un emploi, disons, pendant un mois, c'est difficile, t'arrêtes. Ben là, on se promènerait de job en job toutes les deux semaines, toutes les trois semaines. Oui. Ça, c'est intéressant. Sauf que peut-être qu'après quatre emplois, tu aurais trouvé ce qui te convient. Ou tu n'en trouveras plus parce que tu changes d'emploi trop souvent. Les patrons, c'est tout du monde qui ont changé d'emploi régulièrement. Bon, c'est plus riche. Bon, non. Non, mais facile, là. Qu'est-ce que c'est facile? Oui, regarde ce qui arrive. C'est que ma personne, là, quand elle a 100 000, si j'ai dit de lâcher, elle va pouvoir faire l'épicerie. Elle va pouvoir régler le gérant de banque. Elle va avoir du temps pour se trouver d'autres choses. Elle va être capable de se servir de son intelligence puis de l'énergie qu'elle a, qui lui reste. Quand elle est rendue à zéro, c'est bien plus difficile. Mais à 300 000 négatifs, là, c'est le temps de lâcher là, zéro. Mais là, elle peut pas, parce que là, ben c'est ça. Elle va emprunter, puis elle va continuer, puis elle va s'enfoncer. Puis la journée qu'elle est à l'hôpital, puis qu'elle n'a plus rien pantoute, bien, c'est la même maudite affaire qui serait passée avant, sauf que c'est beaucoup plus pire qu'avant. Mais comment tu fais pour détecter la nuance entre être facile et tolérant ou tolérable? Parce que si tu fais la même chose que ce que tu dis là dans ta vie de couple, dans ta vie avec les enfants, dans ton travail, etc., pour avoir l'abondance du temps et de l'argent, ta femme te tombe sur les nerfs un matin et tu mets ça dehors. Non. Mais c'est quoi facile? Tu fonctionnes encore avec la mémoire. Présentement, ta mémoire, ce qu'elle te dit, elle te dit crime, là. Si je vérifie tout ce que j'ai, d'un coup, je me rends compte que je suis pas à bonne place pendant tout. Fait que, y a-t-il un autre moyen de pouvoir se leurrer que ce qu'on a, c'est parfait, puis en même temps, d'aller chercher l'abondance? C'est la personne, ça, qui embarque sur le bateau puis qui garde un pied sur le quai. Ouais, mais si le bateau coule, ouais, mais si le feu prend, ouais, mais si le bateau coule, ben, plouf, tu te noies. C'est bien simple. T'es ni dans l'air du poisson, ni dans l'air du verseau. T'es entre les deux. Puis t'es écrasé. T'es dans le courant d'air. Ouais, c'est ça. T'as l'air fou. Non, la mémoire, on doit faire extrêmement attention à ce phénomène. L'humain, non, c'est tellement banal à expliquer que ça me tente même pas. Mais explique-les pareil, parce que ça me tente de l'entendre. Parce que, entre être facile, là, pour moi, c'est pas clair. Et ça, j'avais constaté. Facile, facile, facile, ça veut dire... Pas facile, facile, facile! Une chose facile, c'est facile. Mais on n'aurait rien à tolérer. On n'aurait rien à... Quand on dit mettre de l'eau dans son vin... Je prends un paquet d'ego dire ça va être une vie plate en maudit. Non, pas plate. Non, ben c'est quoi, là, mais... Non, tu t'en masse trippé dans ta vie, là, ces dernières années, que ce soit... Il est temps de prendre une vacance. Ça serait pas plate que ça soit facile. Mais il me semble que ça s'applique pas. Ça s'applique énormément. Puis tous les individus qui leur semble que ça s'applique pas, n'appliquent pas ce que je leur compte. Puis à un moment donné, tout ce qu'ils peuvent venir me dire deux ans après, « Ah oui, mais toi, c'est pas pareil, c'est parce que toi, t'es Daniel Kim. » Non, c'est pas pareil, effectivement, parce que moi, j'applique les choses. C'est bien simple. Toi, tu travailles. Toi, tu transpires, toi, tu chicanes, toi, t'es diplomate, toi, t'es pas transparent, t'es hypocrite, t'es menteur, t'es vendeur, t'en mets des affaires. Bon. Alors que tout ce que t'as à faire, c'est que tu prends ton téléphone, t'appelles quelqu'un, puis lui, t'en achète, ça finit là. Clic. Sauf que toi, t'as passé 6 mois à travailler le gars pour qu'il t'en achète. La vie, elle travaille pendant ce temps-là. Si lui a acheté de toi, la vie, elle travaille pendant ce temps-là. Mais si tu décides, hey, la vie, va te coucher, va faire la job, pas de problème. Tu vas travailler pendant 6 mois pour tripoter le gars, puis dans 6 mois, le gars va dire oui. Tu vas te mettre les deux pieds sur le bureau pour attendre que le téléphone sonne, là, faut que tu fasses quelque chose. Non, tu les mets pas sur le bureau. Tu rentres pas au bureau. C'est quoi, facile? On dit que c'est difficile, facile. Ça veut dire qu'on travaille plus, on fait rien? Ouais. Là, ils vont me dire, ouais, mais au restaurant, la serveuse, elle se conscientise pas, elle va continuer à me servir. Parce qu'il n'y a plus grand-chose qui va fonctionner si tout le monde fait ça. Oui! tout va fonctionner. Tout le monde va être dans son trou. Le médecin, là, il sera plus mécanicien, il va être médecin. Puis le comptable qui déteste les chiffres, là, il va être playboy. Tout le monde va être dans son trou. Mais comme tout le monde... On travaillera plus, on va s'amuser, on va vivre. Tout le monde ne fera pas ça en même temps, donc il n'y a pas de danger, effectivement, qui manque de... Non, c'est même pas dangereux. Parce que c'est comme si risque. Tu dirais, si tout va bien, là, ça va être la débandade totale. Si tout va bien, là, tout va aller bien. Hein, c'est... Comment on conserve son abondance si on réussit à l'avoir? Question. Première chose, il faut continuer à appliquer les mécaniques qui nous ont permis d'avoir l'abondance parce que c'est l'abondance est le baromètre de notre conscientisation. Alors, tu ne peux pas jouer les mécaniques d'évolution. Tu peux devenir les mécaniques d'évolution. Alors, les cheminements qu'on a vus la semaine dernière, c'est à appliquer toute ta vie. Ne pas travailler à outrance, c'est intelligent. C'est pas intelligent de passer sa vie à travailler de façon à ramasser de la matière pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir travailler un peu plus. C'est pas intelligent. C'est astral, c'est mémoriel, c'est écologique dans un cadre particulier, c'est logique dans un cadre particulier, c'est intelligent chez l'animal humain, c'est évident, mais chez l'être humain, chez la parcelle qui est à l'intérieur de l'animal, là, commence à vouloir aller chercher d'autres choses. C'est pas juste de l'utopie qu'on doit vivre. À un moment donné, il faut que ça s'applique quelque part. Pour s'appliquer quelque part, il faut commencer quelque part. Et commencer quelque part, c'est tout de suite. Travailler à outrance, on l'a vu encore la semaine dernière, il y a une personne ici, il y a une personne, je ne sais pas si c'est ce soir, mais c'est un psychologue. Elle fait certaines choses, puis à un moment donné, le patron leur a dit, si vous faites plus de ceci, bien, psychologue, mais ne travaille pas comme psychologue. Si vous faites plus de ceci par jour, vous aurez un bonus. Elle se dit, bien, tabarnouche, je m'en sortir de la corde raide, tu sais, là, moi, travailler un peu plus, moi, j'ai de l'argent. Alors, elle travaillait énormément, puis elle vendait pas plus. Fait qu'à un moment donné, après la conférence, une conférence spéciale que j'ai donnée, elle s'est dit, si je comprends bien, vu que je vends 15 par semaine, si je rentre juste 2 jours, je vais vendre 15 pareil que si je rentre 6 jours. C'est en plein ça. Fait que là, elle est rentrée samedi, dimanche, elle a travaillé, elle a vendu 15. Bon, depuis ce temps-là, ben là, elle se rend compte qu'effectivement, que ça travaille plus, elle n'a pas plus, elle travaille moins, elle n'a pas moins. Elle n'a juste assez pour bouquer ses fins de mois puis vivre de même. Elle trouve ça con en maudit. Mais c'est pas con. Ça prouve qu'on a au moins là un élément qui est vérifiable, puis qui est véridique, torieux, c'est pas con. Mais juste bouquer ses fins de mois, comme tu dis, là, ça a fini par être... Mais parce qu'elle s'accorderait, elle a trop d'égo. Elle est toujours en train de crier après tout se casser. Mais comment elle ferait pour en faire plus sans travailler plus? Puis avoir autant de temps? Parce que si faut tu perds le temps, c'est pas mieux. Faut qu'elle change. Faut que tu changes de degré d'énergie ou... Non, faut que tu appliques des petits cossins comme on a fait là. Faut que tu te détaches des résultats. Faut que tu cesses de courir après tout ce qui t'appartient pas. Bon. Tout ce que j'ai dit là, c'est bien facile. L'humain, là, il n'a qu'à essayer ce genre de choses, ça va arriver. Mais le problème qu'il y a, puis je comprends ce que quand tu poses ta question. Ouais, mais du jour au lendemain, je ne fais plus rien. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait pas te réveiller. À outrance. Pour commencer. Bon, un jour, on ne travaille plus pantoute. Bon. Mais ne pas travailler pantoute pour le paresseux, puis pour l'homme ancien, puis la femme ancienne, c'est s'écraser sur la chaise versante, puis attendre que l'inutile se passe. La vie. C'est pas ça, ne pas travailler. C'est parce que regarde, si on fait juste s'amuser avec, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu sais, ça, c'est un vieux roman qui a été écrit dans le passé. Et dans ce roman-là, apparemment que l'homme et la femme avaient tout avant sans travailler. Mais ils n'étaient pas sur une chaise berçante à attendre que ça passe. Il n'y a pas de chaise berçante, je comprends. Mais on ne parle pas qu'ils étaient malheureux, puis qu'ils s'ennuyaient, puis etc., qu'ils prenaient de la drogue, puis du café, puis etc. Non. Puis subitement, à un moment donné, parce qu'ils en ont trop su, puis pas assez, trop su avec de la mémoire, trop su avec de l'ego, ben, ils ont perdu la simplicité. Bon. Alors, à un moment donné, ben là, c'était effectivement, tu vas considérer que tu es un libre-arbitre. Ça te fait ramasser par l'idée de culpabilité. Puis là, tu vas commencer à vouloir mener ta vie à ta façon. Ben, c'est évident que là, il faudra que tu travailles. Mais pourquoi vous travaillez? Uniquement pour passer le temps en attendant que le résultat arrive. Ou pour passer le temps en attendant que la désillusion arrive. Mais si on travaille pas, on fait quoi? On vit. C'est parce que c'est vivre. Tu as trop travaillé dans ta vie. Oui. Mais sérieusement, là. Est-ce qu'il n'y a pas de parler sérieusement? Bon, ben dis-moi ce que tu veux que je dise. On travaille pas. Demain matin, je travaille pas. J'ai une compagnie. OK. Là, chez nous, j'attends que quelqu'un m'appelle. Ben, il faut au moins que tu y envoies ton numéro. En pratique, tu fais quoi? Tu vas travailler quand même, mais tu t'amuses en travaillant ou tu travailles plus? Tu n'as pas travaillé quand même, puis tu t'amuses en travaillant. Quand je parle de changer l'attitude, là, c'est changer l'attitude. C'est pas juste de changer les mots pour le plaisir. Moi, je crois plus en Dieu, moi, je crois en l'univers. C'est quoi l'univers? C'est l'infini. C'est quoi l'infini? C'est l'univers. C'est quoi l'univers? C'est l'infini. Ah, c'est bien beau, mais tu vois, tu sais. Autant que tu croyais en Dieu, au moins les autres, ils vont te comprendre. Et c'est la même affaire. Bon, alors on travaille plus. Ça veut dire qu'on s'amuse en travaillant. On travaille encore. Tu t'amuses en travaillant. C'est donc travailler en t'amusant, pas le fun. Ça fait deux mots, dites-moi mieux. Peux-tu faire en... Pouvez-vous faire en sorte que votre intelligence devienne monnayable? Pouvez-vous, pouvons-nous faire en sorte que notre intelligence soit rentable? Ça, il faut en avoir d'abord. Oui, mais on en a en masse. Okay. On est habitué à exprimer l'intellectuel, c'est de la mémoire, mais on en a en masse. Il faut faire confiance à des choses. Pour ça, il faut instruire l'ego. Donc, pour ça, il faut lui donner de l'expérience. Donc, pour ça, il faut l'essayer. Mais cessons, à un moment donné, de toujours considérer que toute la vie est basée sur l'accréditation d'autrui. On a de l'intelligence. Bon. Sauf que l'humain, c'est évident que toi, du jour au lendemain, tu sais, ma personne qui est rendue à 300 000 en dessous, quand j'ai dit de lâcher, là, c'est bien plus compliqué. Là, on dit, si je lâche tout, ça va dire que je reste à la maison, je fais plus rien. Quand j'ai le rang de banque, va appeler, qu'est-ce que je fais? Non. Ça y a pris 6 mois à comprendre, ça faudrait que ça y prenne 6 mois à lâcher. Elle n'aura pas tout remboursé, il y a bien des affaires qui vont s'arranger. Bien des affaires qui vont s'arranger dans le genre. Ben, à un moment donné, quelqu'un va y offrir un autre emploi, bien rémunéré. Puis à un moment donné, il y a une affaire qui n'a jamais fonctionné dans une de ces compagnies qui, hop, ça va débloquer à un moment donné. Ben oui, mais ça n'a pas... Ça fonctionne. Ça n'a pas d'allure. Je m'en fous que ça n'ait pas d'allure. Ça fonctionne. Ça n'a pas d'allure dans la logistique intellectuelle de l'humain. Quand tu lis les livres de tous ceux là, qui ont perdu leur vie à réussir, là, puis tu veux faire comme eux autres, ben c'est évident que quand je te parle de même, ça va bien mal. Mais regarde ceux qui se conscientisent. On m'a dit, franchement, c'est... Essayons d'autres choses. Fait quand on réussit à acquérir un certain degré de dépendance... Pas de dépendance. On boit de l'eau, on fait. D'indépendance financière et de temps. Ensuite, il peut nous arriver d'autres choses. On peut être malade. On ne peut pas être pessimiste, là. On peut être malade. On peut être affecté par la vie familiale. D'autres, des gens qui nous entourent, qui sont malades. Comment on fait pour conserver le temps puis l'argent, puis tout avoir... Non, mais lis ta feuille, là, lis ta feuille, on va toutes les prendre. T'as les ma feuille. C'est-tu lisible? Sinon, on va toutes les redonner. Ça, c'est celle... Continue à appliquer les lois que t'as nommées la semaine passée. Continue à appliquer les lois que t'as nommées la semaine passée. Faut commencer par les faire. Ne pas y tenir émotivement. Voilà. Quand un être humain parvient à avoir le temps et l'argent, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il commence à tenir émotivement à ce qu'il vient de réussir. Pourquoi? Parce que premièrement, il a l'impression... Tout ce que j'ai appliqué, là, c'est vrai, ça marche. Puis quand tu l'as, là, des coups, ça marche pas. Fait que là, maintenant, tu recommences à travailler pour conserver tes acquis. Tu as travaillé émotivement, tu as travaillé physiquement, tu as travaillé en temps, temporellement. Puis à un moment donné, ben là, si tu es riche, puis tu n'es toujours pas un égoïque, il y a des chances, effectivement, qu'on te prenne ta santé, qu'on prenne tes amis, qu'on fasse un paquet de problèmes. Ne pas tenir émotivement, ça veut dire continuer à appliquer les mêmes mécaniques. On a dit la semaine dernière de ne pas tenir au résultat, de ne pas s'identifier dans le résultat, de ne pas sécréter en face du résultat. Ne pas tenir émotivement. Si tu gagnes à la loterie, là, t'es un gardien d'argent. Fait que c'est pas ton argent. Quand il y a quelque chose d'intelligent qui doit être accompli, si les êtres qui sont là sont intelligents, cet argent-là doit leur être transféré. C'est pas ton argent. Sauf que l'individu qui, à un moment donné, quand ça commence à fonctionner, puis les mots d'ego, ça se fait toujours ramasser comme ça, ça c'est le virus qui habite l'homme. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que ça commence à réussir, puis tu commences à transpirer, tu commences à sécréter, c'est-à-dire que tu exprimes émotivement dans ton corps physique ton astral, ton astralité. Alors, exactement comme la personne apprend un billet de loterie, puis elle se dit, oh, fou, pouf, 8, oh, le, 5, oh, le, 4, le. C'est un maître tout à l'heure. On est maître quand on perd, hein? Mais il faut faire. C'est pour ça que quand tu commences à ramasser un petit peu d'abondance, c'est là qu'il faut que tu sois réellement ce que tu devrais être. 2. Oh, t'as pas de nous. On oublie tout au complet. 0. Bien, si tu le savais. Je te dis pas que tu aurais gagné si tu n'aurais pas transpiré. Ce que je te dis, c'est que tout ce que tu viens de faire là, c'est une perte d'énergie. C'est simple. Mais si tu es détaché de la matière réellement, tu n'achètes pas de billet de loterie, de toute façon. Ben, c'est évident. Que tu en achètes. T'en achètes? Comment tu fais ça? Acheter un billet de loterie et être animatif en même temps? Oui, non, non, c'est bien facile. Tu vends les billets. Tu donnes les billets. Tu payes, puis t'en vas. Ça fait partie, ça, de l'idée d'être dans une attente active. La personne qui est 300 000 en arrière, là, si à un moment donné, elle conscientise tout et tout va superbement bien, son attente active, si par hasard, il y a de l'argent qui attend pour elle, il faut aussi qu'elle se mette en état de la recevoir. Ça peut être un héritage, ça peut être quelqu'un, ça peut être tellement d'affaires. Sauf que l'humain, il part toujours avec l'idée méritoire. « Oh, je ne gagnerai pas. » Pourquoi tu ne gagneras pas? Je gagne jamais, mais dans le sens, je ne le mérite pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est évident qu'une personne qui se conscientise n'achète pas 300 000 $ de billets par année. On n'est pas dedans pendant tout là. Okay? Mais ça n'empêche pas un individu, à un moment donné, d'aller acheter un billet. Au minimum, ce serait un test pour vérifier son ego, mais c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est créer de la synergie avec l'abondance? C'est un des grands... Quand on commence à avoir le moindrement peu d'abondance, puis là, il faut faire attention, bien attention. Une personne peut se dire, bon, ben là, je commence à avoir juste un petit peu plus de temps. Mais là, c'est pas ça l'abondance. Fait que là, je n'ai pas à appliquer les mécaniques pour la conserver. Mais oui, c'est ça l'abondance. Tu commences simplement à monter. C'est que la personne qui se dit, ben là, j'étais pauvre, mais là, je viens d'avoir une paye de 300$. Mais là, je suis pas riche encore, tu sais, fait que c'est pas le temps d'économiser. Bon, c'est bien sûr. Quand il y a plein d'argent, on va commencer à économiser. Les riches, là, sont souvent grippe-sous. Puis t'as une mentalité de pauvre. Les pauvres dépensent énormément inutilement. Les pauvres, eux autres, ils achètent, puis ils vont n'importe comment. Bon. Les pauvres, ils remplissent pas leur garantie quand ils achètent un appareil. T'sais. Puis quand ça casse, ben là, ils payent encore plus. Les pauvres, ils s'assurent pas, les pauvres, eux autres. Ils sont pauvres, ils n'ont pas besoin de ça. Bon. Alors que, tu sais, c'est l'inverse. Mais c'est fait comme ça, dans la gestion astrale du phénomène matériel. La synergie de l'abondance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand vous commencez à avoir un peu de temps, ce temps-là doit être occupé pour vous donner plus de temps. Quand on commence à avoir un peu d'argent, cet argent-là doit être géré pour nous donner un peu plus d'argent. Mais où il faut faire attention, c'est que tu commences à avoir un peu d'argent, prends pas le temps que tu avais pour gérer ton argent de façon à ce que ça te donne plus, etc. Là. Il y a une nuance. Alors, à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à avoir un petit peu de temps, parce que j'ai décidé un jour que je n'avais marre, puis que je commençais à appliquer un peu ce que je disais. Hein? Bon. En appliquant certaines choses, progressivement, j'ai eu un peu de temps. En ayant un peu de temps, j'ai commencé à faire une chose qui m'intéressait. Je commençais à écrire un livre pour le plaisir. Je travaillais pas. J'étais détaché du résultat. Publier, pas publier, ça n'a rien à foutre. Présentement, j'apprends à travailler sans clavier. Bon. Mais tant qu'à travailler sans clavier, puis à prendre du temps, on va s'arranger pour faire la chose convenablement. Mais je ne travaille toujours pas, mais là, je peux rentabiliser mon temps et l'énergie que je passe à vivre. À un moment donné, quand j'ai fini le livre, eh bien, je décide de le publier. Je le publie. Quelques 8 mois après, le livre me paye une maison. Bon. Mais maintenant que j'ai une maison, j'ai évidemment une liberté matérielle comme je n'en avais pas avant. Et entre-temps, est-ce que j'ai continué à ramasser du temps? Ben oui, je ne me suis pas lancé à écrire un livre par semaine. Parce que ça marche. Non, ça ne sert à rien. Et progressivement, j'en arrive à des pièges. Ça, si vous appliquez, c'est la même chose. Je suis... Bon, on m'invite à des places comme consultant et je pense pas qu'il y ait de spécialistes qui soient payés à l'heure comme je le suis payé. Mais ça le vaut. Ils continuent à me faire venir, en tout cas. Ben ouais. Sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que dans X mois, je prends 2 semaines, par exemple, de vacances puis je m'en vais quelque part sur la planète. Puis là, je me dis, oui, mais quand je vais partir, il y a 4 rendez-vous que je vais perdre. Mes vacances me coûtent déjà 2000 $ dès le départ, de manque à gagner. Fait que si je reste, je vais faire 2000 de plus en 6 heures. Mais si je m'en vais, je vais déléguer quelqu'un. C'est lui qui va le faire. Mais j'aime autant être entouré de personnes qui vont faire la même affaire que moi, c'est plus plaisant. Mais là, c'est ça les dangers. Puis là, l'individu lui, qui ne crée pas de synergie, bien, à un moment donné, il va rester dans une loupe où là, le temps, il va commencer à le perdre parce que c'est trop rentable. Fait que la trappe égo, la trappe négo, ça serait drastique. L'égo du village, ça fait encore avancer. Puis la personne est encore faite à l'os. Alors, elle peut dire, oui, mais regarde, je vais faire de l'argent, puis dans 5 ans, je vais prendre ma retraite. Mm-hmm. J'en connais donc, moi. Puis quand ils prennent leur retraite, ils n'ont plus de corps physique pour évoluer, tu sais. Il faut qu'ils maigrissent, il faut qu'ils arrangent le cœur, il faut qu'ils arrangent le poumon, il faut qu'ils cessent de boire, il faut qu'ils cessent de fumer, il y en a. La synergie, c'est qu'à l'instant où tu ramasses un iota de temps, celui-là doit être conservé. Communiquer avec tes enfants, possiblement. Ton mari, ta femme, ça se peut fort bien. Jaser avec d'autres personnes intelligentes, parce qu'on va créer une synergie dans le langage. La parole va ajuster la pensée, et finalement, elle permet à un ajusteur de pensée de pouvoir être opérationnel. On doit s'en servir. La synergie, c'est cela. Maintenant, une personne va dire, bon, ben là, j'ai fait un peu d'argent, on va le mettre à la bourse. C'est une synergie. Et ça peut. Mais c'est très traditionnel, puis dans ceux qui se conscientisent, c'est une synergie de perte. Viendrait me voir là-bas. À exception près. Bon, il va vous dire où placer ça. Placez-le ailleurs, vous allez réussir. Non, c'est pas ça que j'allais faire. Bon, ça leur dit, placez ça à la banque. Mais la synergie, donc, très importante, c'est qu'à l'instant où on commence à en avoir, on doit encore persévérer dans se détacher du résultat, puis pas s'impliquer, pas s'attacher émotivement à ce qu'on a. Si vous commencez à avoir un peu de temps, ce temps-là doit vous servir. Pas pour se lancer en affaires. On se lance en affaires uniquement quand les affaires nous lancent dedans. Moi, quand j'ai décidé d'être mon propre patron, parce que pas parce que l'autre patron était sale, tu sais, je suis pas mon propre patron quand même. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait les tests expérientiels, la vérification supramentale, étant donné que je me conscientise, bien, tout ne m'est pas autorisé, comme ça ne l'est pas autorisé aux autres non plus, mais moi, ça ne me tente pas de souffrir et de travailler. Tu essayes une affaire, ça ne fonctionne pas, tu essayes une affaire, ça ne fonctionne pas, puis quand tu as tout essayé et rien qui a fonctionné, ça m'a coûté 2 000 $. Là, tous les traditionnels me disent, ouais, mais c'est pas ça, c'est que ton idée est géniale à maudire, il a fallu que tu mettes 50 000. Ils ne connaissent rien de l'évolution, eux autres. Eux autres, ils font des études de faisabilité traditionnelle. Puis maintenant, il y en a là-dedans là, qui ont osé, à un moment donné, commencer à se conscientiser. Et puis, ça leur coûte 100 000, 200 000, 300 000 pour se rendre compte que c'est pas ça. C'est simple. C'est pas le montant d'argent ou le temps ou l'énergie que tu dépenses pour vérifier si c'est faisable, que ça va, que la qualité du résultat ou du sondage va être la même? Tu vérifies une pinotte. Dernièrement, je rencontre quelqu'un, puis je lui dis, j'aimerais que toi, tu sois une personne qui va travailler, qui va être président d'une compagnie que je veux faire, qui est une compagnie à but non lucratif, parce qu'il y a des choses, à un moment donné, qui sont intéressantes à faire. Pourquoi vous avez pensé à moi? Parce qu'on veut servir de ton nom puis de tes contacts. Puis en plus, tu ne demanderas pas de payer, je suis convaincu, en tout cas, on ne veut pas payer personne qui est là. Puis ceux qui pourraient être là, eux autres travaillent, puis eux autres ont besoin d'argent. C'est pour ça qu'on pense à toi. Plus simple, hein? T'es un cran négatif en arrière, t'es transparent en maudit. Toutes les règlements. La personne bien emballée, c'est pas un cave. Elle a accepté. Ça y plaît. Tellement, oh, c'est génial, travailler de même. Maudit que ça n'a pas d'allure. Ben, elle accepte. Il y a énormément. La personne va dire oui, mais il faut absolument qu'une personne de même soit là. On n'a rien à foutre. Ça. Si la compagnie n'a pas à l'affaire, qu'est-ce que tu as à faire de mettre une personne là? Puis en plus, j'ai dit, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Nos tests de faisabilité, là, ils se font. À maison, par téléphone, mais encore. Pas de problème. On déteste travailler. On n'est pas paresseux. On est intelligent. Mais ça ne veut pas dire que tu passes beaucoup de temps ou qu'il faut passer beaucoup de temps à rien faire. Le temps est utilisé à acheter du temps. Qu'est-ce que c'est que rien faire? C'est compliqué la vie, hein? Bien, rien faire pour moi, là, c'est de s'asseoir devant la télévision, regarder une vidéo, rien faire. Ça, c'est rien faire. Bon, ça dépend. Mais... C'est pour ça qu'il dit pour moi. Ça dépend de ce que c'est. Fais-le pas. Tu fais quoi quand tu fais rien? Quand tu ne veux rien faire? Ben, tu fais d'autres choses. Tu es en train d'écrire un livre, là. Es-tu bien compliqué? Non. Es-tu bien souffrant? Non. Es-tu bien transpirant? Non. Travailles-tu énormément? Non. Bon, ben c'est ça, tu fais rien. Okay. Oui. Puis à un moment donné, ben, ça, c'est rentable, ben, c'est ça. Ton intelligence aura été monnayée. Oui, mais enfin, on n'est pas nécessairement tous le goût d'écrire ou de faire des choses comme ça. Puis ça, n'a rien à voir. Il y en a qui sont chanteurs, il y en a qui sont secrétaires, il y en a qui sont... Bon, ben, j'ai aucun problème. Donne un exemple, l'humain automatiquement veut se dire, ben oui, mais là, je peux pas faire ça. Mais non, mais moi, dans le début, là, je regardais quelqu'un qui a gagné le tri, puis je me disais, je peux pas faire ça. Enfin, j'ai fait autre chose. Mais toutes les personnes ont accès à cela. Trouve ton petit trou. La synergie, c'est que quand tu vas commencer, si ton livre, à un moment donné, se vend, c'est, admettons, soyons positifs, si ton livre, un jour, se vend à plus que 8 exemplaires, bon, ça, c'est la famille qui va acheter ceux-là. En admettant qu'ils autres l'achètent, après ça, qu'ils ne taillissent pas, donc on est positif, à un moment donné, ton ego peut justement commencer à écrire. Puis là, ben, tu commences en disant, crime, si ça se vend, là, je peux faire un peu d'argent, j'aurai le temps de m'occuper des enfants, de ma femme, ton pas du temps de s'amuser ensemble, de rien faire ensemble. Mais là, si ça se met à marcher plus que ton ego le pensait, mais à un moment donné, ça y est, tu travailles à la maison. Les enfants peuvent pas te parler non plus. Personne ne peut te parler non plus. On te dérange. Tu es en train d'écrire. Ça fait comme bien les écrivains. L'écrivain, il va dire, oui, mais moi, j'ai pas la qualité de travailler à la bourse. Fait que je peux pas me ramasser du temps et de l'argent. Eh oui, mais ton rieux, dans ce qu'il fait, il peut le faire, mais il le fait pas parce qu'il l'a pas compris. Fait que j'en connais, moi, qui travaillais à la bourse, qui vont peut-être le faire en écrivant. Puis il y en a qui écrivent, ils écrivent, ils écrivent, mais non, mais il faut bien qu'ils payent les comptes, faut bien qu'ils écrivent. S'ils connaîtraient les mécaniques de la bourse, ah là, ça changerait tout. Ça, c'est la vision traditionnelle, c'est la vision de celui qui ne se conscientise pas. Celui qui fonctionne uniquement en jalousant le jardin des autres. On a ce qu'il faut. Puis même n'importe quelle personne, c'est évident que je ne fais pas de thérapie personnelle, n'importe quel individu qui, à un moment donné, commence juste à appliquer chez lui. C'est comme l'enfant qui va à l'école qui a un devoir à faire. Il n'a pas le temps de faire son devoir, puis il n'a pas le temps de jouer. Moi, je parle pour toi là-bas, écoute ça, là. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il sort ses devoirs sur la table, il commence à faire ses bébelles. Hop, il oublie sa règle dans sa chambre. Pas va dans sa chambre, rien que la règle. Il commence, hop, il oublie les faces. Pas va dans sa chambre, ramène les faces. Continue, à un moment donné, change de peur. Ah, oublie la calculatrice, il repart. Il n'a jamais le temps. Lui, s'il n'y aurait pas de devoir à faire, ah là, il y aurait du temps. Belle façon de voir les choses. Sauf que présentement, son devoir, là, ça l'écarte uniquement parce qu'il travaille pour le faire. Puis une grande part de son travail est passée uniquement parce qu'il n'exprime pas son intelligence dans la gestion de son temps. Donc, si à un moment donné, il montrait son coffre à outils au complet en haut, bien, il sauverait énormément de temps déjà. Il y aurait encore un devoir à faire, mais il y aurait du temps maintenant pour apprécier la vie le soir après son devoir. Il ne se frustrerait pas d'apprendre, il apprendrait plus vite, il finirait plus vite ses devoirs. Est-ce qu'on peut y aller loin? La synergie, c'est qu'à l'instant où tu commences à avoir un petit peu d'argent ou un petit peu de temps, commence à t'arrêter pour bénéficier. Mais l'individu qui commence à avoir de l'argent doit commencer à couper son emploi pour aller chercher du temps. Mais là, l'individu astralement, il va se dire, oui, mais là, si je commence à lâcher, c'est pas le temps, ça marche. On est en train de te donner un poste. On est en train de faire de toi un gardien de l'argent. Mais justement, c'est le temps. Christy, quand tu n'avais pas d'argent, tu arrivais à vivre. Maintenant que tu en fais un peu plus, pas le temps d'arrêter. Perdu. Quand tu as atteint cette abondance-là, comment tu fais pour te laisser drainer par les autres ou pour acheter leur karma? C'est ça. Supporter le karma d'autrui. Commencer à avoir de l'argent, on commençait à en emprunter. Commencer à en passer, commencer à en perdre. Premièrement, tu ne prêtes jamais d'argent à quelqu'un qui se conscientise. Tant qu'il n'est pas rendu à un niveau d'évolution qui... Quand les gérants de banque vont nous demander si on a fait le séminaire... C'est ça, t'es un gérant de banque... As-tu fait un séminaire? Tu poses une question, là. L'ego, là, c'est ça qui te domine. Non, t'as-tu un libre-arbitre? Oui, pas de problème, on te prête de l'argent, mon petit. T'as-tu un libre-arbitre? Non, il va voir ailleurs. Je tiens pas à mettre ma banque en faillite. On ne prête. C'est important, parce que, évidemment, ça paraît comme sans cœur. Mais on a le choix. On n'est pas sans cœur. Prêtez-en, il va vous aider pareil quand vous ne pourrez plus, puis vous êtes tous pauvres ensemble, vous allez vous débattre. Bon. L'individu qui commence à avoir de l'abondance doit faire extrêmement attention, et ça fait partie des mécaniques qui permettent de conserver ton abondance, pour ne pas prendre son abondance et la mettre au service du karma des autres. Alors, tu commences à avoir un peu d'abondance, et puis à un moment donné, moi j'ai besoin d'argent. Vérifie donc si j'applique les mécaniques. Si je n'applique pas les mécaniques, tu me prêtes de ton argent. Ce qui va arriver, c'est que moi, avant d'arriver au bas fond de mon écœurement, avant d'arriver à l'écœurement de l'écœurement, je vais épuiser toutes les ressources que j'ai. Si tu es une de ces ressources-là, je vais t'appauvrir au maximum pour que tu cesses de m'emprêter. Faut que j'arrive au fond. Un autre veut m'emprêter, je ne suis pas au fond. Fait que moi, tout y prend son argent et son temps. Quand je vais être au fond, parce qu'ils sont tous au fond, là, je vais être au fond. Alors, toi, quand tu commences à avoir de l'abondance, il faut faire attention maintenant pour ne pas non plus devenir une des mécaniques qui va soulager les autres. C'est de l'altruisme. Mais en réalité, tu ne soulages pas, d'après ce que tu dis, tu vas aller au fond pareil. Tu soulages les autres temporairement, puis quand ils t'auront drainé au complet, ils vont continuer dans leur ascenseur à aller rejoindre l'étage qu'ils vont aller chercher. La meilleure chose, c'est de conserver ton abondance, ton temps et ton énergie. L'individu qui fait partie d'une autre race, t'es raciste. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, puis il y a ceux qui représentent le reste. Ceux qui représentent le reste n'ont rien à faire avec eux. Et c'est extrêmement important de comprendre le principe. Sauf que si nous sommes assujettis de l'intelligence, ce racisme n'est pas absolu. Ça C'est-à-dire qu'un individu comme toi, par exemple, une journée, tu fais partie de ceux qui représentent le reste. Mais le même matin, tu peux faire partie de ceux qui sont susceptibles de savoir. Donc, je dois te rejauger chaque fois qu'on se rencontre. Sauf que si l'individu qui commence à avoir l'abondance, il commence à se faire ramasser en bénévolat pour le temps, bénévolat n'importe où. Bon, je dis pas que socialement, c'est pas intéressant. Tant que tu vas chercher quelque chose, c'est convenable. Sauf qu'à un moment donné, ben, tu as du temps, on va y aller, on va y aller. Finalement, tu n'as pas plus de temps que tu n'avais avant. Tu fais mécanique à ton beau-frère. Tu t'occupes pas de ce que tu avais à faire. Tu ne peux pas créer de synergie financière. Et si tu as de l'argent, ben, tu commences à le prêter à ceux qui se conscientisent. Ils veulent pas, ils vont tout te drainer. Ah, ils ont une compagnie géniale, formidable. Prête pas d'argent à ça. C'est une gang de conscientisés. La journée qu'ils auront compris la mécanique, ils vont maintenant vouloir prendre l'ascenseur pour commencer à monter. Nourris-les. Prête pas trop. Parle avec eux autres. Prête pas trop de temps. Et progressivement, tu vas t'assujettir à des individus qui vont être capables de supporter leur karma parce qu'ils vont avoir compris la mutation au niveau de la conscience supramentale. Sinon, tu vas encore te faire drainer. Alors, il y a d'autres choses, on va continuer pendant... La manière dont tu dis ça, ça me fait penser à quelqu'un qui est en train de se noyer, là, puis qui tient par les cheveux juste... Leur tenir d'aller au fond un peu. Bouger, sinon il risque de... Plus tu y prends d'argent, plus tu l'empêches de caler, alors que tu fais mieux de laisser aller au fond. Ben, c'est comme, non, c'est pas ça. C'est que l'individu vient de tomber à l'eau, puis il y a une panique noire de l'eau. Bon, plonge pour aller le sauver. Il risque de t'assommer. Attends qu'il se noie presque, là. Quand tu vas y aller, là, il va être facile à sauver. Il aura compris bien des choses. En tout cas, il aura rien compris, mais la mécanique va faire qu'il va tout avoir compris. Il va être sans connaissance, il va être plus facile de sortir. C'est ça. Il n'y aura pas de conscience astrale pour l'empêcher de... Une pause, on revient tantôt. C'est ça.